Quand tu te sentiras toute seule, sans amour et abandonnée, n'oublie pas de te rappeler que je suis aussi seul que toi dans l'amour abandonné. Quand tu te sentiras toute petite parmi la foule de tout le monde, n'aie pas de peine, fais le silence, tu m'entendras chanter en toi. Je suis ton cœur, je suis ta voix. Je suis toute seule avec tout le monde et tout le temps toute seule. Je suis toute seule avec tout le monde à vivre ma petite vie dans toutes les vies. Qu'une bouteille vide, souviens-moi de te rappeler que je suis aussi plein de toi, aussi plein que la mer à boire. Quand tu te sentiras tout triste, sans envie de faire de quoi, rappelle-toi bien ces moments de joie où nous étions nos bras parfaitement abandonnés. Seul et pourtant plein de paix. Tu es toute seule avec tout le monde, je suis tout le temps près de toi. On est ensemble avec tout le monde à vivre toutes nos vies dans toute la vie.